avec moi. C'est promis, non vraiment, vous n'aurez plus d'ennui. Il suffit juste de me brancher et voilà, je suis déjà prêt. Je suis ISO 9002 avec même du bleu dans les yeux, tous les thèmes, tous les logos pour vous madame. Thank you.